una vegada obre, una vegada més, obre les seves portes, aquest el vostre espai. Això és el Ala Music, el vostre programa de música en francès. Amour sans musique, où nul ne peut chanter. Fini les romances, rien que du silence. Hola, Ala Music, un programa amb Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hola La Music, el vostre programa de música en francès. Avui tenim un programa variat amb diferents artistes que ens acompanyaran al llarg d'aquest espai. La música sonarà a partir d'ara mateix amb gent com Eddie Preto, amb una cançó que ens aportarà des del seu àlbum de 2018. El Cure es deia aquest àlbum. Jimmy, Jimmy, jamais. Jimmy, Jimmy, jamais. Jimmy, Jimmy, jamais. Jimmy, Jimmy, jamais. Je n'aurais pensé que l'on serait si proche. J'ai pas bien vu l'été, la neige était précoce. J'ai pas mal remonté mes dimanches à la torche, déchiffrant tes textos qui avaient bien trop d'accroche. Fini par être accro, je tente même le divorce. Mon manteau sur le dos, des gouttes de sang en poche, des goûts devant cette porte t'amènent une sorte de beau. Je n'oublie jamais le coche pour soigner mes bobos. Jimmy, Jimmy, j'avais. Jimmy, Jimmy, j'avais. Jimmy, Jimmy, j'avais. Jimmy, Jimmy, j'avais. J'avais trop peu de force pour encore résister. Tu arrivais le torse, gonflé comme un guerrier. Avec ton audace folle, ton petit sourire en biais. Tu viens comme pour me sauver, surtout me délivrer. Ce qui sent encore le chaud de ton intimité. J'étais tout excité par ce paquet épais. Pour quelques billets prêts, t'en as toujours assez. Tant pis si ça me fait les traits, de toute façon je te rappellerai. Mais Jimmy, Jimmy, j'avoue. Jimmy, Jimmy, j'avoue. Jimmy, Jimmy, j'avoue. Jimmy, Jimmy, j'avoue. J'avoue que dans la nuit je ne te loupe jamais. Ta vive moto inouïe, février la soirée, même aux heures de l'oubli. T'arrives vite en avalanche sur la pente de pluie. T'auras toujours pas de blanche, tu relances la musique. Tu ressuscites mes danses, t'amènes tous mes délices. Sur un grand plateau d'argent, tu traverses les périphes. Pour sauver mes urgences, au rythme de tes périples, je suis ton allégeance. Jimmy, Jimmy, j'étais. Jimmy, Jimmy, j'étais. Jimmy, Jimmy, j'étais. Jimmy, Jimmy, j'étais. J'étais beaucoup trop deck. Je pensais que t'allais traîner. Je m'imaginais tandem. T'es passé comme tempête. T'empêches toujours la fête. Dans ma cage d'escalier, ton doux parfum des ailes. Oui, je le reconnaîtrais parmi toutes ces paillettes que tu laisses s'envoler. Que peut-être même tu perds avec d'autres condamnés. T'inquiète pas, je te surveille. Au combien je t'attendrai. T'es déjà dans mes veines. Moi, je te veux dans mes plaies. Jimmy, Jimmy, j'arrête. Jimmy, Jimmy, j'arrête. Jimmy, Jimmy, j'arrête. Jimmy, Jimmy, jamais. Je n'aurais pensé que l'on serait si proche. J'ai jamais vu l'été, ta neige était féroce. Jimmy, es deia aquesta cançó de l'àlbum Core d'Eddie De Preto, que ens acompanyava amb el programa d'avui. Qui més ho farà? Doncs cançons antigues, cançons modernes, i aquesta era de música absolutament contemporània amb aquest àlbum editat el 2018. Sentirem una cançó ara del 1947, dins l'antologia de les millors cançons franceses. La intèrpret de Nieppe va néixer el 1928. Lynn Renault ens portarà aquesta cançó, No Dieu. Thank you. nous deux, on s'occupe des autres. On s'est fait pour nous deux un monde merveilleux de printemps et d'oubli, sans argent ni souci. Nous deux l'un contre l'autre. On vit sans s'occuper des autres. Sans bruit le jour, la nuit, on vit pour notre amour, nous deux. Toujours rien que nous deux. On s'est connus un samedi plein de ciel gris et plein de monde dans les rues. Il y avait des pleurs, il y avait des cris, des gens tristes, des gens aigris, des ennuis à perte de vue. Je t'ai souri, tu m'as souri, et pour nous tout était fini. Nous deux l'un contre l'autre. Nous deux, sans s'occuper des autres. On s'est fait pour nous deux un monde merveilleux de printemps et d'oubli, sans argent ni souci. Nous deux l'un contre l'autre. On vit sans s'occuper des autres. Sans bruit le jour, la nuit, on vit pour notre amour, nous deux. Toujours rien que nous d'avoir mes 14 ans. Je veux plus d'école, je suis devenu grand. Je te promets, je te gagne plein d'argent. Maman, je viens de fumer ma toute première week-end sur les fortifs où t'aimes pas que je traîne. Je me serais tué plutôt que de refuser. Pas que les mères qui font les enfants. La zone, la rue coule dans mon sang. Maman, j'aimerais chanter tous ceux qui ressentent les autres. Ta vie, la nôtre, m'en veux pas. Mais maintenant j'ai choisi. C'est pas toujours du ghetto. J'ai pas de passion pour les oiseaux. Mais comme j'aimerais voir ça d'en haut. Maman, je comprends mieux le regard des passants. Je vois pas comme je pense tout en grand, en couleur et sur un écran blanc. Y'a pas que les mères qui font les enfants. La zone, la rue coule dans mon sang. Tu sais, je sais pas grand chose sur les choses de l'amour. Mais je me doute toujours, c'est pas moi. C'est pas moi qui choisis. je viens tout juste d'avoir 14 ans. Je veux plus d'école, je suis devenu grand. Hey, regarde, je suis devenu grand. Aquesta era una de les cançons de l'Eddie Mitchell que també ens acompanyava. És el personatge amb el qual tenim amb aquesta temporada de La Music, la seva entrada de La Music, es diu la cançó que escoltem sempre a l'entrar amb el nostre programa. L'Eddie Mitchell ens portava aquest Mom, la cançó que acabem d'escoltar just després de la Lynn Renault, amb una cançó del 1987. Qui ens acompanyarà ara durant uns minuts amb alguna de les seves darreres cançons, senzills publicats el 2017, d'un àlbum Just Me, Myself and Moamem, publicat el 2018. És la cantant Charlotte Ronin, nascuda el 14 de març del 1983, coneguda amb el nom professional de Vita, una artista de música electropop, de pop o de rhythm and blues, va néixer a Mulhouse, a França. És una cantant que ha venut gairebé 2 milions de discos a França, però a més s'ha fet molt popular amb els seus canals, amb els seus dos canals de YouTube. És coneguda per la seva veu tan dolça, tant de soul, de música soul, i va ser el 2018 l'artista femenina més escoltada a les emissores de ràdio franceses. D'aquest àlbum hem triat alguna de les cançons que en forma part, com per exemple Un peu de Gaf, amb la companyia de Claudio Capeo, que ens portarà ara mateix, i Teledong també, una cançó amb Slimane. Comme on se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves. Ils le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs saignent. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de cran. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Le choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi des fois enfin c'est lequel qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs saignent. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de cran. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Et qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer? Tout miser pour toucher nos rêves. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs saignent. On est tous des mères.

il est là le bonheur. C'est pas l'heure qu'il choisit, c'est Christophe qui me l'a dit. Et puis un jour on meurt, tu verras ça va vite. C'est les vieux qui le disent, de gens indispensables. Les cimetières sont remplis. Comme d'hab, comme d'hab. On a le grand projet. Comme d'hab, comme d'hab. La vie on ne sait jamais. Comme d'hab, comme d'hab. On aimerait bien se poser. Comme d'hab. Allez, on va se coucher. Jamais. Comme d'hab, on aimerait bien se poser. Allez, on va se coucher. Ça aussi c'est la vie, profite de la vie. Tu verras, ça va vite. S'ils avaient su, ils auraient pas fait comme ça. Tout ça c'est des conneries. Ça aussi c'est la vie, profite de la vie. Tu verras, ça va vite. S'ils avaient su, ils auraient pas fait comme ça. Tout ça c'est des conneries. Ça aussi c'est la vie, profite de la vie. Tu verras ça va vite. S'ils avaient su, ils auraient pas fait comme ça. Tout ça c'est des conneries. Ça aussi c'est la vie, profite de la vie. Tu verras ça va vite. S'ils avaient su, ils auraient pas fait comme ça. Tout ça c'est des conneries. Ça aussi c'est la vie, profite de la vie. Tu verras ça va vite. S'ils avaient su, ils auraient pas fait comme ça. J'avoue j'ai mon ego, mais tu l'as cherché. Tu pourrais y rester si tu parles trop. Oh, faut pas lâcher des mots et pas assumer. Quand j'y vais solo, fallait pas commencer. J'ai pas le cœur tendre, pousse-toi de mon chemin. Faut bien avancer. Paraît que t'es pas bien, ça fait de la peine. Pitié, pitié. Peine et pitié, pitié, pitié. Ça fait de la paix. Pitié, pitié, pitié. Peine et pitié, pitié, pitié, pitié. Peine et pitié. J'avoue j'ai de la peine ou de la pitié. Finalement si c'est la même, j'ai plus trop, plus trop. Est-ce qu'il faut qu'on se rappelle? On va se rappeler. Ils resteront sûrement les mêmes. Mon numéro est ton numéro. Ah, tu fais la belle, tu t'aimes plus qu'on t'aime. T'as du mal à l'admettre. Joyeuse fête et bonne année au pluriel. Pour l'an prochain et les années prochaines. Pitié, pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié. Ça fait de la paix. Pitié, pitié, pitié. Peine et pitié. Pitié, pitié, pitié. Peine et pitié. Tu disais que c'était la famille. Quand tu criais famine. Depuis qu'il m'arrive ce qui m'arrive, t'as des nouveaux amis. Mais j'ai pas besoin que tu culpabilises. Moi, je préfère être ignoré. Y'a pas que ton nombril dans la vie. Toi, t'as ni peine ni pitié. Ni pitié. T'as ni peine ni pitié. Ni pitié, ni pitié. Toi, ça fait de la peine. Pitié, pitié. Peine et pitié, pitié, pitié. Ça fait de la paix. Pitié, pitié, pitié. Peine et pitié, pitié, pitié, pitié. Peine et pitié, pitié, pitié. Peine et pitié. Ça fait de la paix. Peine et pitié, aquesta és la darrera de les quatre cançons que escoltàvem d'aquest àlbum publicat en 2018, 28 de setembre de 2018, a càrrec de Vita, aquesta artista que ens acompanyava, aquesta artista magnífica del món de la música, cantant i compositora de rhythm and blues. Cantava els seus començaments per rapers com Mafia, Fry, The Do, Nashville o Pete Bacardi, entre d'altres, però a poc la seva veu també va anar conquerint a la gent des del seu àlbum de debut a Flor de Toi, que va ser realitzat al febrer del 2007. Avui ens ha acompanyat uns minuts el nostre programa, i qui ho farà ara serà l'Àngel Rodríguez, amb la seva col·laboració habitual amb nosaltres. Avui ens presenta també amb una cantant femenina que es diu... Ara ens ho dirà ell. Bon dia, ja, bon dia, amic Àngel. Què tal, Rafael? Encantat, com sempre, de sortir en el teu programa, encara que sigui per poca estona. Avui us presento Jennifer Bartoli, que és una cantant nascuda el 15 de novembre de 1982 a Niça. És coneguda simplement amb el nom de Jennifer. L'any 2001 va guanyar un programa semblant al de l'Operación Triunfo de França i des d'aleshores ha gravat 8 àlbums, des de l'any 2001, un d'ells en directe. L'any 2005 va ser premiada amb els Premis MTV d'Europa. Té fins i tot una estàtua de cera al Museu Grévin de París. Avui l'escoltem amb el tall Sur le fil, un tall extret al 2012. Espero que us agradi. Marcher sur un fil, c'est pas difficile. Il suffit d'un peu d'assurance. Mes talons hauts me donnent confiance. Masquer mes faiblesses, cacher ce qui blesse. Une main de fer, un gant de soie. Mon mascara me sauvera. Sur le fil de ma vie, je me perds parfois. À chercher l'équilibre, je tombe. Mes envies font toujours ce qu'elles veulent de moi. Et tant pis si demain tout retombe. Sur le fil de ma vie, je me perds parfois. À chercher l'équilibre, je tombe. Mes envies font toujours ce qu'elles veulent de moi. Et tant pis si demain tout retombe. Marcher sur un fil, solide ou fragile, c'est le destin qui choisira si je vacille au prochain pas. Soigner les détails, gagner des batailles. Je peux garder mes secrets pour moi et sourire à la caméra. Sur le fil de ma vie, je me perds parfois. À chercher l'équilibre, je tombe. Mes envies font toujours ce qu'elles veulent de moi. Et tant pis si demain tout retombe. Aquí hem escoltat la música de la Jennifer amb aquest solafil que ens aportava l'Àngel. La Moa Moa és el seu disc del qual el 2012 es va extreure aquesta cançó i que aviat també escoltarem amb les altres cançons i senzills a través del nostre programa, com cada vegada que l'Àngel ens porta un artista. De la Jennifer ja havíem escoltat anteriorment el seu novel Page, l'àlbum que va editar el 2018. Seguim i ho fem amb música més tradicional, a càrrec de Leo Ferré, la primera, i de Michel Sardou, la segona. veux, tu es neuve. Si tu veux, tu es la seule neuve au monde. Et il y en a des tonnes tous les jours qui déversent leur joie dans les forêts mystères, dans les forêts nylon de vos vergues signées. Je te signe, me signe, je te vois, je te prie, je te donne cette violette ancienne et de deux heures qui va mourir peut-être et qui va s'extasier dans le creux de ta main. Si tu veux, tu es neuve. Si tu veux, tu es la seule neuve au monde. À la joie ce matin, tu avais un pardon de ceux qui ne t'ont pas, juste un peu de velours dans ta crème et puis du brun de l'ocre de nos nuits. Dans les draps que l'amour ferme sur la nuit, tous les amants du monde ont l'œil d'extra saison. Viens, viens, viens, mon objet de misère, ouvre-toi, Byzantine, et sucre tes amants. Je voyais les amants, ceux des golfs et des bras venus, dont le sait tous, des comètes supermarchés. Je voyais les amants, lents, l'on vend la paresse et la mort aussi. Quand on s'y laisse, c'est la tristesse de sous pour ta tristesse que je vois commencer. Donne-moi ta tristesse et je la parerai et je la sauverai. Je voyais les amants. Parisien, la casquette en arrière tourne, tourne, tourne bien. Dans les bals populaires, les raquelles du samedi, du bleu sur les paupières tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on ne danse pas. Entre elles et l'on s'en fout. Dans les bals populaires, on chante un peu ce qu'on veut. Moins on fait de manière et plus ça tourne, tourne mieux. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on ne danse pas. Chanson, l'orchestre joue ce qu'il sait faire, ça tourne, tourne plus ou moins rond. Dans les bals populaires, quand le barman s'endort, même après la dernière, ça tourne, tourne, tourne encore. Je vous préviens, n'approchez pas. Vous soyez flic ou badaud, je tue celui qui fait un pas. Je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez ces fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans aide. Dites au curé, dites au pasteur qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonne et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel est ses yeux, sa bouche, ma vie. Crevez-moi le cœur, je suis prêt. Je veux m'endormir pour toujours. Johnny Hallyday, Requiem per un fou, és el títol d'aquesta cançó que també escoltàvem amb el nostre espai, aquesta edició d'enguany, la número 81 d'Aula La Music amb Rafael. Fa uns 73 van dedicar-la a escoltar des de l'any 2000 la música d'aquesta cantant corsa que ens acompanyarà l'Alizé. Són diversos els oients d'aquest programa que ens han demanat escoltar més cançons i per això ara mateix escoltarem la música de l'Alizé, però en aquest cas des d'uns anys més tard. Si aleshores escoltàvem el seu àlbum de debut de l'any 2000, avui escoltarem el seu segon àlbum, que va sortir el 28 de març del 2003, Mes Courants Electriques, i que va ser un disc número 2 a França, número 1 al Japó. Aquest àlbum va produir diversos senzills que anirem escoltant a partir d'aquest moment. Ella és la magnífica intèrpret anomenada Alice. On s'illumine, lumière animale, l'école de l'air. Un àlbum magnífic aquest que escoltem de la Lise, un disc que podien trobar doncs, com el seu segon treball discogràfic, igualment que el primer, doncs, totalment escrit i compost per Mylène Farmer i Laurent Boutonnat, un disc d'aquesta música, d'aquest pop, d'aquesta varietat, no? Varieté, que sempre s'ha conegut amb aquest nom artístic, la varieté francesa, la producció de, també amb aquest àlbum de Paul Van Paris. Seguim amb una altra de les cançons que van sortir d'aquest disc, perquè n'hi va haver moltíssimes, possiblement aquesta, la més coneguda de totes. Arribem al final del nostre programa per aquesta setmana amb aquestes dues protagonistes principals que ens han acompanyat. D'una banda, l'Evità, de l'altra, l'Alizé, amb cançons de dos dels seus àlbums més contemporanis de l'Evità, Més enllà, però anirem recordant-lo perquè són diversos els oients que els encanta aquesta música d'aquesta protagonista des del 2003, i amb una cançó acabant, després de Jean-Marc, que acabem d'escoltar, i a contracorrent, la primera, aquest No tinc pas 20 anys, no, ni jo tampoc, si els assumes, potser tinc 3 vegades ja quasi 20 anys. És la música de l'Alizé, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot amb aquesta edició d'Olala Music. A reveure.